depuis bientôt un mois et demi qu'elle s'est installée dans ma vie. Il n'y a plus de place dans mes nuits pour le sommeil ou pour l'ennui. Elle s'endort sur mon épaule, j'ai dans les yeux ses boucles folles. Ça me fait bien loucher un peu, mais j'aime tant ses blonds cheveux. Mon bras passé sous son aisselle, elle contre moi, moi tout contre elle. J'ai des fourmis un peu partout, mais je ne bouge pas du tout, du tout. Son petit nez fait de la musique, une musique très sympathique. Pas des ronflements de dragon, des petites plaintes, des petits un-un. Moi qui avais le sommeil si lourd, je n'en dors plus la nuit, le jour. Pour un comme moi, c'est trop d'amour, ça pourrait me jouer des tours. Il faudrait bien que ça me passe, et qu'avant elle, je me lasse de notre amour. Oui, mais voilà, sûrement déjà, je suis chocolat. Dans ses rêves, elle murmure, je t'aime. Mais elle ajoute, mon bel Étienne. Je suis pas très beau, je m'appelle François, ça me fait tout drôle à chaque fois. Oui, mais le lendemain, je n'ose lui parler de l'horrible chose. Elle m'embrasse si gentiment, j'ai l'impression d'être sa maman. Qu'elle me quitte ou qu'elle demeure, je ne pourrai plus dormir une heure, tellement elle a comblé mon cœur de bonheur et de malheur.